dans ta cage. Mon cœur, tu sembles gai. Pourquoi brusquement ce langage? Qu'as-tu donc à me raconter? Dis-moi, dis-moi quel secret te fait battre de joie. Dis-moi s'il te plaît qui tu aimes avant moi. Comment fais-tu réponds-moi? Je sais moi aussi qu'elle est belle, mais toi tu me parles d'amour. Si toi tu ne vas que pour elle, moi j'ai peur de souffrir un jour. Dis-moi, dis-moi quelles sont les raisons de ton choix. Comment es-tu sûr qu'elle m'aime déjà? Comment sais-tu réponds-moi? Mon cœur, j'ai reçu ton message et comprends que dans ta voix tu veux que je parte en voyage avec un amour à mon bras. Dis-moi, dis-moi que ton cœur en accord avec toi et comme un écho qui répond à ta voix, mon cœur redoublant de joie.